Chapitre 5e. Le vieux mulâtre s'était lentement acheminé vers les hauteurs de Chaillot. Il arriva bientôt dans la rue où s'élève l'église de ce faubourg pauvre et populeux. Contre l'usage, cette église était éclairée cette nuit-là. À travers la grande porte ouverte, on voyait la nef et l'autel brillamment illuminés de cierges, quoique l'église fût encore vide. Quelques cérémonies imposantes allaient sans doute avoir lieu, car bien que minuit dût bientôt sonner, l'on apercevait des lumières et des curieux aux fenêtres des maisons voisines de l'église, tandis que des groupes nombreux stationnaient sur le parvis. Le vieux mulâtre, s'approchant de l'un de ces rassemblements, prêta l'oreille et entendit ce qui suit. « Ils ne peuvent maintenant beaucoup tarder. »« Non, car voilà bientôt minuit. »« C'est tout de même une drôle d'heure pour se marier. »« Ma foi, quand on est si bien doté, l'on peut passer par là-dessus. »« Qui donc va se marier à cette heure, messieurs ?» demanda le vieux mulâtre. « Quel est ce singulier mariage dont vous parlez ?»« On voit, mon brave homme, que vous n'êtes pas du quartier. »« En effet, monsieur, je suis étranger. »« À la bonne heure. »« Sans cela, vous sauriez ce que c'est que le mariage des six, qui a lieu depuis 4 ans, pendant la nuit du 11 au 12 mai. »« Du 11 au 12 mai ?» se dit le vieillard en tressaillant, et il reprit. « Mais, monsieur, pourquoi appelle-t-on ce mariage le mariage des six ?» Parce qu'il y a chaque année 6 jeunes filles mariées et bien dotées, ma foi, chacune de 10 000 francs. Dotées, et par qui? Par la volonté d'un digne homme mort depuis 5 ans, et dont le nom est aussi populaire et aussi béni dans Chaillot que celui du petit manteau bleu dans Paris. Et, demanda le vieux mulâtre avec un léger tremblement dans la voix, comment s'appelait ce digne homme, au nom de qui l'on dote si généreusement 2 jeunes filles? Il se nomme le père Richard, monsieur, répondit avec un accent de déférence la personne que le vieillard interrogeait. Celui-ci, contenant à peine son émotion croissante, reprit. « Et pourquoi ce père Richard fait-il tant de bien après sa mort ?»« Dame, parce que c'était son idée et qu'il a un brave fils, M. Louis Richard, qui exécute religieusement les dernières volontés de son père. »« Ah, voilà un autre digne homme que M. Louis. Tout le monde sait que lui, sa femme et son enfant vivent tout au plus avec 3 ou 4 000 francs par an. » Et pourtant, il faut qu'ils aient hérité du père Richard une fameuse fortune pour doter chaque année 6 jeunes filles de 10 000 francs chacune, sans compter les frais de l'école et de la maison du bon Dieu, ou du père Richard, si vous aimez mieux. Pardonnez, monsieur, à la curiosité d'un étranger, mais vous parlez d'une maison appelée la maison du bon Dieu, d'une école. Oui, l'école du père Richard. C'est Madame Mariette qui la dirige. Madame Mariette, demanda le vieillard, qui est-elle? La femme de monsieur Louis Richard. Cette école est fondée pour 25 petits garçons et 25 petites filles qui restent jusqu'à l'âge de 12 ans. Époque où ils entrent en apprentissage chez des maîtres choisis. Les enfants sont nourris, on leur donne en outre un habillement pour l'hiver et un pour l'été. De plus, ils reçoivent chacun 10 sous par jour. De cette façon-là, les parents, au lieu de faire comme tant d'autres qui, pressés par la misère, mettent trop tôt leurs enfants en apprentissage, sont intéressés à leur faire donner de l'instruction. Et c'est la femme de M. Louis Richard qui dirige cette école. Oui, monsieur. Et elle dit qu'elle y prend d'autant plus de plaisir qu'elle était avant son mariage une pauvre ouvrière ne sachant ni lire ni écrire et qu'elle a si cruellement souffert du manque d'éducation qu'elle se trouve heureuse d'être à même d'empêcher les autres de souffrir ce qu'elle a souffert. Voilà, monsieur, ce que c'est que l'école du père Richard. Mais, monsieur, vous m'aviez aussi parlé d'une maison. Cette maison est fondée pour 12 pauvres ouvrières infirmes ou hors d'état de travailler. C'est Madame Lacombe qui la dirige. Qu'est-ce que c'est que Madame Lacombe? La marraine de Madame Mariette, une bonne et digne femme qui a le poignet coupé. C'est la douceur, la patience, la bonté en personne. Que voulez-vous? Elle doit s'y connaître en pauvre vieille femme infirme, car elle dit à qui veut l'entendre qu'avant le mariage de sa filleule avec Monsieur Louis, toutes deux ne mangeaient pas tous les jours du pain à leur faim. Mais... « Tenez, mon brave homme, voilà les mariages. Placez-vous devant moi, vous les verrez mieux défiler. Nous pourrons ensuite entrer dans l'église. » En effet, le vieillard vit bientôt s'avancer une sorte de cortège, à la tête duquel marchait Louis Richard, donnant le bras à Madame Lacombe, puis Mariette tenant par la main un charmant petit garçon de 4 ans. Madame Lacombe n'était plus reconnaissable. Sa figure, autrefois si creuse, si maladive, était pleine, vermeille et annonçait la santé. Sa physionomie, jadis chagrine, sombre, presque farouche, exprimait alors la plus heureuse mansuétude. Elle portait ses cheveux blancs en bandeau sous un bonnet de dentelle, et un beau châle de cachemire français cachait à demi sa robe de soie. Les traits de Louis Richard, qui donnait le bras à la marraine de Mariette, étaient empreints d'une félicité sérieuse et contenue. On voyait qu'il comprenait la grandeur des devoirs qu'il s'était imposés. Mariette, plus jolie que jamais, se distinguait par un air de gravité douce qui sied si bien aux jeunes mères. Dans son légitime orgueil, elle avait toujours, malgré son mariage, conservé le modeste costume de sa première condition. Fidèle au coquet petit bonnet de l'ouvrière, elle n'avait jamais voulu porter de chapeau. Le bon Dieu l'en récompensait, car elle était ravissante de fraîcheur, de grâce et de beauté sous son frais bavolet de dentelle à nœuds de ruban bleu ciel. De temps à autre, elle souriait avec un amour ineffable à son petit garçon, blond, rose et joli comme elle. Après Louis, sa femme, son enfant et Madame Lacombe venaient, vêtues de blanc et couronnées de fleurs d'oranger, les six jeunes filles dotées cette année-là. Elles donnaient le bras aux parents ou aux témoins de leurs fiancés. Ceux-ci conduisaient les parents et les témoins de leurs promises. Tous appartenaient à la classe des travailleurs. Derrière ce groupe s'avançaient les 24 ménages unis depuis 4 ans, puis les enfants de l'école du père Richard, puis enfin celles des vieilles femmes de la maison de refuge à qui leurs infirmités permettaient d'assister à cette touchante cérémonie. Il fallut près d'un quart d'heure pour le défilé de ce cortège qui prit enfin place dans l'église. Le vieux mulâtre avait assisté muet et pensif à ce défilé pendant qu'autour de lui les curieux disaient « C'est pourtant grâce au père Richard que ces jeunes filles laborieuses vont devenir de bonnes et heureuses ménagères. Et les mariés des autres années ont-elles l'air heureux? Et ce bonheur, à qui le doivent-elles? Au père Richard. C'est vrai, toujours au père Richard. Et aussi à M. Louis, qui remplit si bien les intentions de son brave père. Sans doute, mais enfin, toujours est-il que sans la grosse fortune que le père Richard lui a laissée pour en faire un si bon usage, M. Louis n'aurait eu que sa bonne volonté. Et l'école du père Richard, avez-vous vu les enfants, les petits garçons avec leurs bonnes blouses de drap, les petites filles avec leurs bonnes robes de mérinos, comme tous ont l'air contents? Savez-vous qu'il ne manque pas plus de 5 ou 6 de ces pauvres vieilles infirmes qui, grâce au père Richard, trouvent au moins du pain et du repos pour leurs vieux jours? Savez-vous une chose, mes amis? Quoi donc? C'est que voilà peut-être 150 personnes qui passent devant nous et qui toutes ont eu plus ou moins part aux bienfaits du père Richard. C'est vrai. Et quand on songe que c'est la même chose depuis 4 ans, ça fait déjà 600 à 700 personnes soutenues, instruites, aidées ou mariées grâce à ce digne homme. Sans compter que pourvu que M. Louis vive encore pendant 30 ans, je suppose, ça fera 5 ou 6 000 personnes qui, grâce au père Richard, auront eu la vie bonne et heureuse au lieu de l'avoir eue mauvaise. Et coupable, peut-être. La misère perd tant de monde. Qu'est-ce que vous dites donc, 5 ou 6 000 personnes? Mais ça ferait bien plus que cela. Comment? Ces ménages que l'on dote chaque année, choisis parmi les plus pauvres et les plus honnêtes artisans, ces ménages auront des enfants. Ceux-ci, d'abord, participeront au bien-être de leur famille. Ils seront bien élevés. Et ils auront plus tard leur part du petit pécule grossi certainement par l'économie et le travail de leurs parents. Car c'est facile de mettre de côté quand on s'établit avec quelque chose. On n'est pas forcé de s'endetter pendant le chômage en mettant au monde piété qui nous ruine par les gros intérêts. C'est ma foi vrai, en calculant ainsi, ça triple la somme des bienfaits du père Richard. Et si l'on osait songer à une deuxième, à une troisième génération de bienfaiteurs, en multipliant, comme on dit, les obligés par eux-mêmes, ça deviendrait incalculable, le bien dont il aurait été la souche. Ce digne et excellent homme. Et dire pourtant que le bien est si facile à faire, et qu'il y a tant de gens, du petit au grand, qui ne savent à quoi dépenser leur argent. C'est vrai, car enfin de l'argent, ça représente le bonheur de bien du monde, et avoir entre les mains beaucoup d'argent, c'est avoir le moyen de faire, si on le voulait, beaucoup d'heureux. Ah, dame, c'est que les pères et fils Richard ne sont pas très communs, dit le dernier interlocuteur qui avait servi de cicérone au vieux mulâtre. Puis, voyant ce dernier laisser couler des larmes, il ajouta: « Eh bien, mon brave homme, que diable avez-vous à pleurer ainsi ?»« C'est l'émotion, » dit le vieillard. « Le bien que j'entends dire de ce père Richard et de son fils, la vue du cortège de gens si heureux, tout cela me cause une impression extraordinaire. »« Oh, mon digne homme, si telle est la cause de vos larmes, je ne vous plains pas, elles vous font honneur. Mais tenez, puisque cela vous intéresse, entrons dans l'église, nous verrons la fin de la cérémonie, et après... « Vous pourrez aller jusqu'à la maison du bon Dieu, car cette nuit, y entre qui veut. » Je vous remercie de votre conseil, monsieur, et je le suivrai, dit le vieux mulâtre en essuyant ses pleurs et en entrant dans l'église avec son cicérone. La foule était si compacte que le vieillard dut renoncer à arriver jusqu'au premier rang des spectateurs qui se pressaient à l'entrée du chœur. Mais un moment de réflexion le consola bientôt, et il revint se placer auprès du bénitier situé non loin de la porte de l'église. Pendant l'accomplissement de la cérémonie des mariages, à laquelle tous les assistants prirent part avec recueillement, la physionomie du mulâtre exprima une émotion profonde, étrange. Il semblait plongé dans une sorte d'extase, comme si une révélation soudaine lui eût ouvert des horizons immenses, éblouissants, mais jusque-là voilés à sa vue. Aussi, après un moment de méditation fervente, s'agenouilla-t-il et, joignant les mains, il laissa tomber sur sa poitrine sa tête blanchie. Dans l'église, le silence était solennel. Tout à coup, la voix grave et sonore du prêtre qui officiait à l'autel fit entendre ces paroles qu'il adressait aux nouveaux mariés. « Et maintenant que votre union est consacrée par Dieu, jeunes époux, continuez la vie honnête et laborieuse qui vous a mérité le bonheur dont vous allez jouir. N'oubliez jamais que cette juste rémunération de votre dignité dans la pauvreté, de votre courage dans le travail, vous la devez à un homme doué de la plus tendre, de la plus juste affection pour ses frères, car fidèle au devoir du vrai chrétien, il ne s'est pas regardé comme le maître, mais comme l'aumônier de ses richesses. Le Christ n'a-t-il pas dit « Aimez-vous les uns les autres, et que ceux qui ont donnent à ceux qui n'ont pas. » Aussi le Seigneur, en accordant au Père Richard un fils digne de lui, a récompensé ce grand homme de bien, et par son obéissance aux lois de l'évangélique fraternité, il a mérité que sa mémoire vécue parmi les hommes. Cette immortalité, votre reconnaissance la lui accordera. Que son nom soit donc à jamais béni par vous, par vos enfants, par les enfants de vos enfants. Que vos cœurs conservent toujours comme le souvenir d'une rare vertu le nom vénéré du Père Richard. » Le murmure approbateur de la foule accueillit ces paroles et couvrit les sangles étouffés du vieux mulâtre, qui, toujours agenouillé, semblait éprouver un ressentiment ineffable. La cérémonie était terminée. Le bruit que firent les assistants en quittant leur place, afin de sortir de l'église, rappela à lui le vieillard. Il se releva précipitamment et s'appuya au bénitier, car il se sentait près de défaillir. Bientôt il vit du fond de l'église s'avancer de son côté Louis Richard, qui, donnant le bras à Madame Lacombe, se dirigeait vers la porte de l'église. Le vieillard trembla de tous ses membres, et au moment où Louis Richard allait passer devant lui, il trempa ses doigts dans le bénitier, et baissant à demi la tête, il offrit l'eau sainte d'une main tremblante à l'époux de Mariette. « Merci, bon père, » répondit affectueusement Louis en effleurant de ses doigts la main vacillante. Puis, remarquant la pauvreté de ses vêtements et la tête blanchie du donneux d'eau bénite, et voyant dans son offre une demande d'aumône, le jeune homme lui glissa dans la main une pièce de monnaie, en lui disant avec bonté « Tenez, et priez Dieu pour le père Richard. » Le vieillard saisit avidement la pièce de monnaie, la porta à ses lèvres et la baisa en fondant de nouveau en larmes. Ce singulier incident ne fut pas aperçu de Louis Richard. Il sortit de l'église ainsi que le cortège, et une grande partie des spectateurs se dirigea vers ce que l'on appelait à Chaillot la maison du bon Dieu. Le vieux mulâtre, brisé par une profonde émotion, s'appuya péniblement sur son bâton et se dirigea aussi vers la maison du bon Dieu.